Mais c'est ça, j'étais surpris. Je dis, Gab Grégoire, que je salue, que je trouve super sympathique, qui fait les sports, en fait, oui. dans le matin à Montréal, que vous venez d'entendre. Salutations à Gab. J'avais envoyé un message, à toute la gang concernant l'une des conférences sympathiques qu'on a entendues en fin de semaine. Je vous avouerai, je veux pas faire tout un plat avec ça, mais c'est une conférence qui m'a, ma foi, assez renversé lors de notre conventum. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qui m'a, je vous dirais, surpris. Vous l'avez entendu, puis vous allez l'entendre encore, Adrien Pouliot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, chef du Parti conservateur, mais qui est allé d'une conférence qui m'a renversé, là, sur le Québec, sous un Parti conservateur, mais un Québec, genre, parfait, là. Pas de maladie, pas de boutons, pas d'acné, pas... Tu sais, c'était borderline drôle. C'était son drôle. Pitch qui était... L'idée de la conférence en général... Le Québec idéal. C'était bizarre. Tu sais, il dit... En fait, il nous a raconté son rêve. On est en 2023, puis bon, il nous explique que tout va bien. C'est un rêve. Mais qu'il n'y a plus de problème, là. Il n'y a plus de bobos, plus de cicatrices, il n'y a plus... Personne n'a souffert, tout le monde hop, la joie. On est tout... On a privatisé, là, ensemble, du réseau québécois, en chantant Alléluia, tu sais, Il le sait, puis c'est quelqu'un de très intelligent. T'sais, c'est une vision qui est farfelue, là. T'sais, c'est farfelu, c'est drôle. C'est trop gros. C'est trop gros parce que au Québec, on sait comment que ça fonctionne, comment les médias fonctionnent, comment les groupes communautaires fonctionnent, les syndicats. Je veux dire, c'est trop gros. C'est le Québec bleu, pas de nuages, ça sent bon, puis il n'y a pas de liste d'attente et tout. Moi aussi, là. On est des têtes de ligne mondiale partout. C'est exact. Et on veut tout ça, alors qu'on le sait que c'est pas... réaliste et tout. Puis j'avais envoyé un petit message sympathique en disant, bon, etc., là, dans mon Québec à moi, il n'y aura pas de les oiseaux auront à manger, etc. Le genre de message ridicule pour les gens qui me connaissent personnellement, puis qui connaissent l'émission. Qu'on aurait pu agrémenter d'une trame. Exactement. T'sais, c'est un message totalement ridicule. T'sais, dans un Québec, mon Québec à moi, etc. Il y avait une histoire de pinson, là. Mais c'était drôle, c'était colon, c'était ridicule. Un peu le genre d'humour, c'est... tu sais... Quand j'ai un humour débile, c'est un peu un humour un peu à la Marteau Napoli, un peu. C'est absurde. Ça n'a ni queue ni tête. Puis pour les gens qui connaissent l'émission et qui me connaissent, vous le savez très bien. Mais Gab a pris ça au mot. A pris ça à la lettre. A pris ça à la lettre. Oui, c'est comme fâché. Mais oui! Il chutalait, c'est la société du super pinceau, Moret. Puis il m'appelle Moret gros comme le bras, alors qu'on se connaît pas, là. Il dit, moi, j'aime mieux aller m'occuper de ceux qui sont moins bien nantis. J'ai carrément passé à côté. C'est plate, parce qu'on n'a pas la chance de se connaître vraiment dans ces meetings-là. Gab me connaît pas. Moi, je le connais j'avais sa photo dans le perspective. Je collectionnais les photos de joueurs de football quand j'étais petit, parce que mon père, c'était un tripeux d'Alouette. Puis j'avais sa photo, puis je le connais qu'il y a quand même un beau vécu de sportif, puis je trouve ça plate parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer puis de faire tomber les perceptions. Mais moi, les fois que je l'ai entendu en ondes, moi, Gabriel, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très coloré. Absolument. Puis que sa façon sans d'amener prétention, les choses. C'est un gars de cœur. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était au conventum de l'an passé. Oui. Puis écoute, il avait raconté sa Coupe Grey contre Edmonton, je pense, au Stade Olympique, puis on avait mis des tacs en dessous de nos souliers. Oui, parce que c'était gelé, le terrain était gelé. Mais écoute, il y avait, en racontant son histoire, on était deux au début, là, puis à la fin, je pense qu'il y avait 8 personnes qui écoutaient l'histoire, là, tu sais. C'était un rassembleur, puis c'était, mais là, il a juste pas saisi ton niveau de sarcasme. Non, oui, c'est ça. Alors que dans le fond, c'était dans le loufoque, là, tout simplement. Tout simplement, comme Immoré Live, de toute façon, assez souvent, merci. Et ça va le demeurer, croyez-moi.